une histoire particulière. C'est en 1871 qu'Arthur Rimbaud et Paul Verlaine se rencontrent à Paris. À cette date commence entre ces deux hommes une belle histoire d'amour, mais également une histoire tragique qui les lie à tout jamais. Deux poètes, deux génies en quête d'amour et d'inspiration. Pendant 2 ans, ils composeront des vers magnifiques, des poèmes connus et reconnus jusqu'à nos jours. À travers leur tumultueuse histoire, ils s'écriront de très nombreuses lettres. « Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublies pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie. » Rimbaud. Mais cette expérience va se terminer un jour de juillet 1873 à Bruxelles, ce que nous racontent tout de suite Olivier Chomel et Rafik Zénine. Une histoire particulière, Verlaine et Rimbaud, second épisode, génie poétique et faits divers. Olivier Chomel, Rafik Zénine. Lucile Penel, vous êtes directrice du musée Rimbaud à Charleville. Comment est-ce que vous caractériseriez la relation qui existe, qui s'installe, qui évolue entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud? Du point de vue littéraire, sentimental, sexuel? Ça a été « je t'aime, moi non plus » pendant 18 mois. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Mais en même temps, dès qu'ils étaient ensemble, ils ne supportaient plus au bout de 2 jours. Verlaine était tiraillé en permanence entre sa femme, quand même, qui était à Paris, sa femme et son fils, et Rimbaud. Donc voilà, il y avait un vrai... Une emprise, tous les deux avaient une emprise l'un sur l'autre, en fait. À égalité, selon vous? Oui, mais pas au même moment, je dirais. On est dans une aventure qui est vraiment une aventure de passion charnelle. Bon, on est quand même dans une affaire de personnelle, très personnelle, hein, de corps. Bon, de pulsion, de désir, d'humeur, enfin bon... Henri Sépi. C'est quand même ça, on est là-dedans. Disons que... Ils ont su peut-être faire de cet élément-là quelque chose de substantiel, c'est-à-dire de continu avec l'aventure poétique comme aventure humaine et sociale et politique, c'est-à-dire quelque chose de total. C'est un engagement de tout l'être. Verlaine a vu Rimbaud, et Rimbaud avait un certain magnétisme. C'était un beau garçon. Solide, jeune, 10 ans de moins. En tout cas, il en était bleu. Lisons ses lettres. Guy Goffet. Et lisons parfois les lettres de Rimbaud. Quand même, d'Angleterre, quand Rimbaud écrit à Verlaine, quand Verlaine est parti outré par l'attitude de Rimbaud. À propos du hareng. Oui, tout ça. Quand Verlaine se retrouve à Bruxelles, Rimbaud lui écrit quand même une lettre. C'est des lettres d'amour. C'est assez bouleversant. Même. Et bouleversant. Je trouve ça étonnant. Et puis, ce visage d'ange, voilà. Verlaine à Edmond Le Pelletier. Bruxelles, 6 juillet 1873. Mon cher Edmond, je vais me crever. Je voudrais seulement que personne ne sût cela avant la chose faite, et qu'en outre, il fût bien prouvé que ma femme, que j'attends encore jusqu'à demain après-midi, a été prévenue 3 fois, télégraphiquement et par la poste. Que donc c'est son obstination qui aura fait le beau coup. Il y a chez lui, très vite, le désir effectivement de tester, d'éprouver, de mettre à l'épreuve Verlaine, jusqu'au moment où Verlaine envisage de se suicider. Et Rimbaud lui écrit une lettre en lui disant « tu ne feras pas ça. Je te connais assez, dit-il, tu ne le feras pas. » Rimbaud le rejoint depuis Londres à Bruxelles et c'est reparti. Oui, voilà, oui, bien sûr, oui. Enfin, c'est reparti. Il y a un appel pressant, si vous voulez, de Verlaine à Rimbaud, je crois. Je crois qu'il y a un message, une sorte de SOS, voilà, qui est envoyé. Et malgré tout, malgré la certitude dans laquelle est Rimbaud, qu'il y a une part de jeu dans cette affaire, il y a une part de comédie, il y a une part de... Mais il y a, me semble-t-il, au moment où Rimbaud s'embarque pour Ostende le 8 juillet 73, il y a là, évidemment, la conscience, sans doute, très forte que, eh bien, Verlaine est en danger. Véritablement. Bon. Et il le rejoint effectivement à Bruxelles. Et il s'installe donc à l'hôtel avec Verlaine et sa mère. Donc voilà, puis il y a effectivement la journée la journée du 10 juillet, bon, qui est le moment, j'allais dire, du dénouement de la crise, si je puis dire. Alors, il faut imaginer la scène. Il y a une chambre pour Arthur et pour Paul Verlaine. Et dans la chambre à côté, il y a la mère Verlaine. C'est quand même assez surréaliste comme situation. Bernard Bousman. Et donc, là commence aussi l'affaire de Bruxelles, parce que qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils sont noyés tous les deux dans les brumes de l'absinthe, de l'alcool et de la bière. Et ils passent leur temps à se promener un peu en ville, mais surtout dans les cafés, ici à la Maison des Brasseurs, sur la Grand Place et à d'autres endroits. Et puis là, l'affaire tourne mal, évidemment. Rimbaud se trouve toujours dans la chambre d'hôtel. Verlaine sort. On ne sait pas très bien ce qui lui passe par la tête. Et il va acheter un revolver dans les galeries de la Reine, Galerie Saint-Hubert, ici en plein centre de Bruxelles. Il va acheter un revolver chez l'arthurier Montigny, un 7 mm à 6 coups, et il achète des cartouches. Alors pourquoi est-ce qu'il achète ce revolver ? Je crois que lui-même ne le sait pas. Il est encore un peu sous. Il ressort de chez l'armurier, il retourne dans les bistrots-boires, et puis il rentre à l'hôtel, et c'est là que se passe le drame de Bruxelles. Il rentre dans la chambre d'hôtel. D'après ce qu'on sait, d'après les dépositions de police et d'après ce qu'ils ont raconté après, enfin ce que Verlaine a raconté après, il ferme la porte de la chambre, il met la chaise contre la porte, il s'assied, Rimbaud est sur le lit, et il lui dit « Voilà pour toi, puisque tu pars », et il tire deux coups de revolver. Il y a une première balle qui va se loger dans le poignet de Rimbaud, et la deuxième balle va se loger dans le plancher. Hurlement, évidemment, Verlaine s'effondre en pleurs, la mère Verlaine, il y a entendu le vacarme, se rue dans la chambre. On essaye de calmer tout le monde. La mère Verlaine essaie de soigner Rimbaud en lui mettant un bandage, un chiffon, ce qu'elle trouve. Mais comme ça continue de saigner, il décide d'aller à l'hôpital Saint-Jean pour faire soigner Rimbaud. Il faut imaginer la scène, hein, on est en pleine journée, personne dans cet hôtel n'entend quoi que ce soit, soi-disant, enfin bref. Il est entre midi et deux heures de l'après-midi. Oui, c'est ça. Et là, autre moment surréaliste, voilà le trio qui marche jusqu'à l'hôpital Saint-Jean avec la mère Verlaine, Rimbaud et son poignet blessé, et Verlaine qui suit. Ils vont à l'hôpital Saint-Jean, qui était pas très loin, hein, sur le boulevard du Jardin Botanique, et on soigne Rimbaud. C'est beau l'amour, mais quand ça mène au coup de revolver... Guy Goffet. Tous, si vous voulez les tuer tous. Hein. D'abord, je tue Rimbaud, je crois que sa mère est là, Elisa, et je me tue. Voilà. Et finalement, il tire sur Rimbaud. Mais c'est une égratignure. Bon, on va à l'hôpital ensemble, enfin, imaginez deux sous l'eau, quoi, voilà. C'est ça, parce qu'ils sont ivres tous les deux. Ils retournent tous les trois à l'hôtel, et là, la mère estime que maintenant ça s'arrête, cette histoire, il faut que ça se termine. Elle donne l'argent à Rimbaud, qui veut aller à Paris, et il se dirige vers la gare du Midi. Toujours avec Rimbaud, la mère Verlaine, et Verlaine, qui est toujours là, toujours un peu à moitié sous, et qui suit. Et à un moment, arrivé aux environs de la place Roupe, Verlaine repasse devant, se met devant Rimbaud. Ce qu'il y a, c'est qu'il a toujours le revolver. Il n'y a personne qui a pensé à lui enlever le revolver. Et il met la main dans son manteau. Là, Rimbaud commence à avoir vraiment peur, et on peut comprendre pourquoi. Et Rimbaud s'enfuit et se réfugie chez un agent de police qui est là, place Roupe, et qui était en faction. Et il dit « il veut me tuer, il veut me tuer ». L'agent de police les embarque tous les trois, l'amène chez au commissariat, et ils doivent faire une déposition. Et c'est là que commence le dossier judiciaire de l'affaire de Bruxelles. Interrogatoire de Verlaine par le juge d'instruction. 11 juillet 1873. Demande. N'avez-vous jamais été condamné ? Réponse. Non. Je ne sais pas au juste ce qui s'est passé dans la journée d'hier. J'avais écrit à ma femme qui habite Paris de venir me rejoindre. Elle ne m'a pas répondu. D'autre part, un ami auquel je tiens beaucoup était venu me rejoindre à Bruxelles depuis 2 jours et voulait me quitter pour retourner en France. Tout cela m'a jeté dans le désespoir. J'ai acheté un revolver dans l'intention de me tuer. Demande. Quel est le motif de votre présence à Bruxelles ? Réponse. J'espérais que ma femme serait venue m'y rejoindre, comme elle était déjà venue précédemment depuis notre séparation. Demande. Je ne comprends pas que le départ d'un ami ait pu vous jeter dans le désespoir. N'existe-t-il pas entre vous et Rimbaud d'autres relations que celles de l'amitié ? Réponse. Non. C'est une calomnie qui a été inventée par ma femme et sa famille pour me nuire. On m'accuse de cela dans la requête présentée au tribunal par ma femme à l'appui de sa demande de séparation. L'affaire est confiée à un jeune juge qui s'appelle Theodore Sersteven's. Il est nommé juge depuis peu de temps. Il va procéder aux interrogatoires. Surtout, il va se rendre compte en lisant les lettres qui sont dans le portefeuille de Verlaine et dans le portefeuille de Rimbaud, qui ont été saisies par la police. Il se rend compte qu'ils ont une relation homosexuelle. Il va se rendre compte que Verlaine a un passé communard, qu'il a abandonné sa femme. Et, voilà. Cette affaire-là devient une affaire de mœurs. Et le coup de feu devient un peu secondaire. Oui, c'est une affaire pour lui, c'est pour le juge. Et il va faire procéder à un examen médical sur la personne de ce pauvre Verlaine. Nous se signent Victor Vlemings et Charles Semal, docteurs en médecine, etc., à Bruxelles, avons été requis par M. Sersteven's, juge d'instruction, de procéder à l'examen corporel de Paul Verlaine, homme de lettres né à Metz, détenu à la maison de sûreté de cette ville, afin de constater s'il porte des traces d'habitude pédérastique. Après avoir rempli les obligations de la loi relative au serment, nous nous sommes aujourd'hui, le 16 courant, rendus à la cellule du susnommé et y avons constaté ce qui suit. 1. Le pénis est court et peu volumineux. Le gland est surtout petit et va en s'amincissant, s'effilant vers son extrémité libre à partir de la couronne. Celle-ci est peu saillante et sans relief. 2. L'anus se laisse dilater assez fortement par un écartement modéré des fesses en une profondeur d'un pouce environ. Ce mouvement met en évidence un infundibulum évasé, espèce de cône tronqué dont le sommet serait en profondeur. Les replis du sphincter ne sont pas lésés ni ne portent de traces de lésions anciennes. La contractibilité est restée à peu près normale. Conclusion, de cet examen, il résulte que Paul Verlaine porte sur sa personne des traces d'habitude de pédérastie, active et passive. L'une et l'autre de ces deux sortes de vestiges ne sont pas tellement marquées qu'il y ait lieu de suspecter des habitudes invétérées et anciennes, mais des pratiques plus ou moins récentes. Signé Dr. Vlemings et Semal, Bruxelles, 16 juillet 1873. C'est un peu imaginaire comme conclusion. Ben surtout, ça ne repose sur rien de médical, et c'est vraiment des propos de rebouteux, et ça n'a aucun intérêt. Mais ça aura valeur de circonstance aggravante pour le cas Verlaine. Ben, c'est ça qui est assez injuste et irrationnel, c'est que ça n'a rien à voir dans l'affaire qui nous occupe. Il se dispute avec quelqu'un, il tire un coup de revolver, Rimbaud ne dépose même pas plainte... Le fait qu'il soit homosexuel ou pas, qu'est-ce que ça... C'est tout à fait hors sujet. Seulement, ça va évidemment jouer très fortement contre lui quand il passera devant les juges. Mais normalement, l'homosexualité n'est pas condamnable en Belgique à cette époque. C'est assimilé à des pratiques douteuses et inappropriées. Déposition de Rimbaud devant le juge d'instruction. 12 juillet 1873. La balle dont j'ai été atteint à la main n'est pas encore extraite. Le docteur d'ici m'a dit qu'elle ne pourrait l'être que dans 2 ou 3 jours. Demande. De quoi viviez-vous à Londres ? Réponse. Principalement de l'argent que Madame Verlaine envoyait à son fils. Nous avions aussi des leçons de français que nous donnions ensemble, mais ces leçons ne nous rapportaient pas grand-chose, une douzaine de francs par semaine vers la fin. Demande. Connaissez-vous le motif des dissentiments de Verlaine et de sa femme ? Réponse. Verlaine ne voulait pas que sa femme continuât d'habiter chez son père. Demande. N'invoque-t-elle pas aussi comme grief votre intimité avec Verlaine ? Réponse. Oui. Elle nous accuse même de relations immorales. Mais je ne veux pas me donner la peine de démentir de pareilles calomnies. C'est la totalité du fond Rimbaud-Verlaine. Chez nous. Chez vous, oui. Dans ces 80 documents, il y a des lettres de Rimbaud et il y a des lettres de Verlaine dans le dossier. Bernard Boussman, directeur du département des manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique. Et c'est ça aussi qui va précipiter, il n'y a pas que ça, mais qui va précipiter la chute de Verlaine, c'est que le juge Theodor Steevens, qui est un assez jeune juge, se rend compte en lisant ces lettres qu'ils ont une relation homosexuelle. Il se rend compte de ça et d'autres choses. Il y a aussi le poème Le Bon Disciple, qui est un superbe poème de Verlaine, mais qui est très cru, puisqu'il raconte vraiment une scène de sodomie, et il faut imaginer le juge à cette époque qui lit ça. Et puis surtout, il a l'impression que ces deux types se foutent de lui, parce que Verlaine raconte un peu n'importe quoi, mais il est encore dans les brumes de l'alcool, hein. Il fait des dépositions où il se donne lui-même le bâton pour se faire battre, parce qu'il dit lui-même, oui, mais c'est à cause de ma femme qui dit que j'ai des relations immorales. Ah, vous avez des relations immorales, enfin. Et puis ce qui se passe, c'est que le juge, très rapidement, se dit, ça c'est mon affaire, quoi. Il a abandonné sa femme, Mathilde Mottet, son jeune fils, le petit Georges qui vient de naître, il a une réputation d'alcoolique, donc tout vient à charge de Verlaine, et le juge belge va le condamner à une peine très lourde, hein, 2 ans de prison, pour ça c'est énorme, plus parce qu'il a été communard, soi-disant, plus parce qu'il est un ivrogne, plus parce qu'il est homosexuel, plus parce qu'il a abandonné sa femme, que pour ce bête coup de revolver, qui en principe, allez, on aurait dû dire, ne le faites plus, et puis rentrez chez vous en France, quoi, c'est ça. Le bon disciple. Je suis élu, je suis damné. Un grand souffle inconnu m'entoure, ô terreur, par ses dominés. Quel ange dur ainsi me bourre entre les épaules tandis que je m'envole au paradis. Fièvre adorablement maligne, bon délire, benoît et froid, je suis martyr et je suis roi, faucon, je plane et je meurs cygne. Toi, le jaloux qui m'a fait signe, me voici, voici tout moi. Vers toi je rampe, encore indigne, monte sur mes reins et trépigne. Paul Verlaine, mai 1872. Oui, c'est parfaitement explicite. Voilà, on comprend bien le sens. Même si Theodor Steevens, le juge, ne devait pas être un grand littéraire, monte sur mes reins et trépigne, C'est clair. C'est clair. Et dans des lettres que Verlaine écrit à Rimbaud et qui sont saisies par la police, il y a aussi des passages qui sont très très explicites en disant voilà, je serai ta vieille truie, enfin des... Mais ce sont un langage qu'ils emploient entre eux. C'est des sentiments amoureux entre eux, et comme ils ont un langage qui est très imagé, ben voilà. Les jeux sont faits. René Guiton. Le juge comprend qu'il a plus affaire à des communards en fuite, mais qu'il s'agit d'une scène de ménage qui a mal tourné entre un majeur et un mineur, et ça va au-delà même de ce qu'il avait vu jusque-là, au-delà de ce qui est imaginable pour lui. La sanction sera le maximum. Il est condamné à 2 ans, il ne fera pas 2 ans non plus. Il est d'abord emprisonné à Bruxelles au Petit Carme, puis en octobre on le transfère à la nouvelle prison de Mons. Il est dans cette prison, c'est pas pire que certains hôtels borgnes qu'il a fréquentés, donc oui, il est un peu sevré d'alcool et de choses comme ça, mais il a des moments de grand découragement, mais il produit énormément. Il va écrire quelques-uns de ses plus beaux poèmes. Enfin, c'est une période qui est assez féconde dans le cas de Verlaine, cette période carcérale. Le directeur de la prison de Mons considère que l'incarcération a fait du bien à Paul Verlaine. Oui, parce qu'il est devenu, catholique. Il est sorti avec un chapelet. Et un peu plus sobre. Et puis, bah oui, ça, fatalement, il était sobre. Mais il faut dire que tout s'est abattu sur lui à ce moment-là. Il perd tout. Qui va lui rester fidèle quand il va revenir avec Sagesse, quand il va publier Sagesse et revenir à Paris? Il vendra 6 exemplaires. Le maire n'a pas été riche avec Rimbaud, avec Verlaine. Le ciel par-dessus le toit. En prison, Bernard Bousman, Paul Verlaine vit une conversion au catholicisme, ou au moins une crise mystique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Je ne sais pas s'il faut le croire. Oui, il raconte l'histoire, mais c'est typiquement Verlaine. Si, mais Verlaine vient d'une famille croyante, hein, catholique, donc c'est pas un païen sur qui le Saint-Esprit serait descendu. Ben, il raconte. Alors que Rimbaud, oui. Rimbaud a horreur de Oui, Rimbaud, tout ce qui est curé, etc., il déteste. Tandis que Verlaine, c'est une famille assez croyante. Alors, il raconte qu'en prison, mais moi, je ne crois pas fort à cette histoire, mais enfin, Verlaine le raconte quand même, quand on vient lui apprendre que Mathilde a obtenu la séparation de corps et de biens, il serait tombé dans un désespoir le plus total et qu'il aurait demandé à voir l'aumônier de la prison. Et l'aumônier, pour le soutenir, lui aurait donné les ouvrages du catéchisme de Monseigneur Gaume. Alors, il faut savoir que nous l'avons ici à la Bibliothèque Royale, les volumes du catéchisme de Monseigneur Gaume. C'est assez illisible, c'est impossible de se convertir en lisant ça, je pense. Mais Verlaine raconte ça, qu'en voyant le corps saignant de Jésus, il aurait retrouvé la foi. Toujours est-il qu'à peine sorti de la prison, il va recommencer à boire, il va recommencer sa vie d'avant, et voilà, maintenant... Il se précipite auprès de Rimbaud. Il sort de la prison de Mons en janvier 75. Il voit pas Rimbaud tout de suite, mais il va revoir Rimbaud une seule fois quand Rimbaud se trouve à Stuttgart. Donc il parvient à avoir l'adresse de Rimbaud, et on sait qu'il se revoit une fois, pendant quelques jours, 2-3 jours à Stuttgart, mais ils n'ont plus rien à se dire. Mais ce qui est très émouvant, c'est que à cette occasion-là, Rimbaud va confier à Verlaine un certain nombre de poèmes des Illuminations, en demandant à Verlaine de parvenir à la faire publier. Donc même s'ils se disputent, même s'ils n'ont plus rien à se dire, il y a quand même une confiance mutuelle, parce que c'est à Verlaine que Rimbaud confie des Illuminations. Peut-être qu'une distance commence à se creuser, qui va modifier le point de vue que Verlaine va porter, enfin le regard que Verlaine va porter sur Rimbaud. Alors évidemment, il y a cette lettre du mois de mars 75, lorsqu'il se retrouve justement. Mais c'est Rimbaud à Delahaye, hein, qui écrit « Verlaine est arrivé ici l'autre jour, un chapelet aux pinces. 3 heures après, on avait renié son Dieu et fait saigner les 98 plaies de notre Seigneur. » Bien. C'est un être sur lequel le temps fait son effet, et parfois très vite, le Verlaine de l'automne 71 et celui de l'hiver 75, ouais. C'est pas du tout le même. Non, c'est pas du tout le même. Il s'est passé quelque chose. Il a perdu deux amours, moi. Moi, je pense qu'il a perdu deux amours, complètement. Il sait qu'il a brisé sa vie à tout jamais. Il ne va faire que courir derrière sa vie. Et il sait qu'il a perdu ses deux amours et qu'il a perdu son fils. Voilà. Il a tout perdu. Alors, il y a des moments où il doit s'en moquer un peu. Et puis il y a des moments où il est complètement clair, où il écrit et où tout ça lui manque terriblement. Et ça le fait vieillir très vite, très très très très très vite. Bah, il ne s'économise pas non plus. Non. Donc c'est un jeune homme qui rencontre Rimbaud et c'est un vieillard qui sort de la prison de Mons, vous avez entièrement raison. Lucile Penel, au bout d'un moment, Verlaine cesse de chercher à revoir Rimbaud. Pour quelle raison ? Je ne sais pas si c'est Verlaine qui cesse de chercher à revoir ou si c'est Rimbaud qui coupe définitivement les ponts. Je pense que Rimbaud lui a vite fait comprendre que ça ne servait à rien d'essayer de lui écrire, que de toute façon il ne saurait pas où il était, enfin, et qu'il ne répondrait pas. Je pense que c'est Rimbaud qui lui fait comprendre qu'il est passé à autre chose, que la littérature c'est plus son truc, et que bah, s'ils veulent continuer à parler de ses poèmes, qu'ils le fassent entre eux, mais que lui ça ne le concerne plus. Paul Verlaine, désemparé, rongé de culpabilité, sans doute, d'avoir soigneusement démoli tout ce qu'il aimait, se retire dans les Ardennes, dans la région de Rethel, où il enseigne quelque temps, avant de s'installer dans le village de Juniville, à quelques jets de pierre des terres de la famille Rimbaud. Pas si loin que ça de Paris, assez près de la frontière belge, on ne sait jamais, et dans le décor familier des joies insouciantes vécues jadis avec Arthur Rimbaud. Mais Rimbaud n'est plus qu'une abstraction. On peut imaginer Verlaine se demandant, aux heures de forte ébriété, si son jeune ami a vraiment existé. Jusqu'à récemment, les frasques des deux poètes vagabonds ne leur ont pas laissé la meilleure réputation dans le secteur. Avec le temps, ça va un peu mieux. Ils sont même devenus des attractions touristiques, et le chemin qui mène à Juniville est un tronçon de la route Rimbaud-Verlaine. Marc Gaillot, on est à Juniville. Où il y a un musée Verlaine. Verlaine a habité ici, enfin, va fréquenter cette maison où il habitait tout près, je crois. Juste en face, hein, juste en face de l'auberge, en fait. Il loue une maison à 2 mètres de l'auberge, et ses repas de midi et du soir, il vient les prendre à l'auberge, il cuisine pas, en fait. Hein. C'est quelle date, Verlaine, à Juniville ? 1880 à fin 82, en fait. Il passe un peu plus de 2 ans à Juniville. Et avant, il est à Rethel, professeur à Rethel, professeur d'anglais et de dessin. Au collège Notre-Dame. Voilà, institution jésuite. tenu une main de fer. C'est d'ailleurs certainement là qu'il connaîtra la vraie période de rédemption et la vraie période d'illumination, pas vraiment à la prison de Mons. Prison de Mons, c'est plus une rédemption choisie pour essayer de faire oublier son passé, essayer de se racheter une conduite. Donc on est plus dans le calcul. Rethel, on est vraiment dans une vraie découverte, redécouverte de la foi sincère, candide et presque enfantine. On a un biographe ardennais, Pierre Petit-Fils, qui écrit « Rethel ou l'expérience de la paix ». C'est certainement la première période de bonheur que Verlaine va connaître depuis l'arrivée de Rimbaud à Paris. Verlaine a été de tout temps un enfant gâté, criant, trépignant, jusqu'à ce qu'il ait l'objet convoité, puis son caprice satisfait, brisant le joujou désiré et le délaissant. « Il m'a aimé, regretté », disent ses amis. « Oui, mais avec intermittence. Il m'aime, m'épouse et me rend heureuse pendant un an, puis il m'abandonne pour vagabonder en compagnie d'Arthur Rimbaud. » Au sortir de sa prison, il va d'abord à son ami. Repoussé par lui, il essaie de se rapprocher de moi. Après avoir vécu 2 ans en Angleterre, il entre comme professeur à Rethel et là paraît s'être complètement assagi. Il vient voir son fils, fait part à ma mère de son rêve de réconciliation. Cela dure quelques mois, puis brusquement il cesse d'écrire, oublie de nouveau son fils, et pendant 6 ans, je n'entends plus parler de lui. C'est qu'il a quitté Rethel en compagnie de Lucien Létinois. Et si, confiante dans ses promesses, je l'avais suivi à Rethel, rien ne me prouve qu'il ne m'aurait pas délaissé une deuxième fois pour partir avec son nouvel ami. Mathilde Verlaine, mémoire de ma vie. Lucien Létinois, c'est un jeune homme qui a son importance à son tour. Alors, si vous êtes détracteur de Verlaine, ce sera le remplaçant de Rimbaud. Si vous êtes défenseur de Verlaine, ce sera le remplaçant de son fils. Et toutes les traces qu'on a vont plutôt dans le sens du remplaçant de son fils. Mais encore une fois, on est dans quelque chose qu'on ne pourra jamais prouver. Le seul début de preuve qu'on a, c'est quand on lit Amour, les 28 poèmes sur Lucien Létinois. Mon fils est mort, j'adore, oh mon Dieu, votre loi, voilà. Lamento à Lucien Létinois, mon fils est mort. On est mort de quoi, Lucien Létinois? Alors, fièvre typhoïde, dit-on. C'est un malheur de plus dans la vie de Verlaine. Et dans la vie des Létinois aussi, évidemment. Bien sûr. Ici, c'est une lettre de Verlaine au pasteur Wagner, c'est ça? Non, pas du tout. Non. C'est une lettre de Georges Verlaine à M. Wagner, le musicien. Ça, c'est intéressant. Georges va gérer les droits de son père après la mort de Verlaine. C'est très déroutant pour moi, ça. Très, très déroutant parce que, soi-disant, Georges et Verlaine ne se sont jamais revus. Quand on voit les lettres que Georges écrit à Mallarmé, qui sont en plus... C'est bouleversant ce qu'il écrit. Cette phrase-là, « Je suis la seule œuvre de Verlaine qui n'intéresse pas la postérité », c'est quelque chose de terrible. Là, on est dans le rapport humain et dans la blessure de ce gamin qui est le fils de Verlaine et dont on lui a pris son père. Son père n'est plus là. Ouais. Abel et Lettre. Ça signe aussi un sentiment d'abandon, bien sûr. Ce genre de phrase. Bien sûr, exactement. Quand Verlaine écrit à son fils à Rethel, Georges n'aura jamais les lettres. Mathilde ne lui donnera jamais les lettres et Georges n'adressera plus la parole à sa mère. D'ailleurs, Georges, il est enterré avec son père. Hein. Georges, il n'est pas enterré avec Mathilde. Hein. Il à quel endroit ? Au Batignolles. Dans la tombe, il y a Nicolas Verlaine, Elisa Verlaine, Paul Verlaine, Georges Verlaine. Il n'a jamais connu son père, d'après les biographes, mais il gère les droits de son père et il est enterré avec son père. Ouais, il y a quelque chose à aller voir quand même. Verlaine et Rimbaud. Second épisode, génie poétique, effets divers. Avec Lucille Penel, directrice du musée Rimbaud à Charleville, Henri Sépi, spécialiste de la poésie française du 19e siècle, Guy Goffet, poète et écrivain, Bernard Boussmann, directeur du département des manuscrits à la Bibliothèque royale de Belgique, René Guiton, écrivain, Marc Gaillot, du musée Verlaine de Juniville. Texte lu par Octavie Pierron. Merci au cinéaste Manuel Sanchez et au Verlaino-Rimbaldien Steve Murphy. Bibliographie et liens sur franceculture.fr. Coordination Christine Bernard, prise de son Hélène Langlois et Jérémy Thuil. Mixage Claude Nior. Une histoire particulière, Rafik Zénine, Olivier Chaumel. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve l'année prochaine, samedi 5 janvier à 13h30, pour notre première histoire particulière de l'année 2019.